الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. أما بعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن أهمية دراسة علم التوحيد وما يترتب على دراسة هذا العلم العظيم وهذا العلم الشريف، وكذلك ذكرنا ترجمة موجزة للمصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ونأخذ اليوم إن شاء الله أو ندخل في شرح نص الكتاب قواعد الأربع. ويقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. افتتح المصنف رحمه الله رسالته هذه بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تسمى بالبسملة. وإذا قلت الحمد لله رب العالمين تسمى، والحمد لله تسمى بالحمدلة. فإن العلماء وضعوا كلمات تدل على يعني جمل كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح رسالته بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قد افتتح كتابه بسورة الفاتحة، وقبل سورة الفاتحة ذكر البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل رسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام كان يفتتح رسائله صلى الله عليه وسلم بالبسملة. فجاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل عظيم الروم، كان ملكا للروم، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc la semaine dernière nous avions parlé de l'importance d'apprendre la science de la croyance, l'ilm al-aqida, et nous avions cité une biographie résumée de l'auteur du livre Al-Qawa'id al-Arba, donc les quatre règles, qui est Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc on avait cité une biographie résumée qui nous montrait donc à quelle époque il avait vécu et dans quelles circonstances il avait prêché. Donc là on va voir aujourd'hui commencer donc à expliquer le livre qui est les quatre règles. Donc la première chose que l'auteur a citée, c'est « Bismillahir Rahmanir Rahim », c'est-à-dire au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Il y en a qui traduisent par le clément et le miséricordieux. Donc, en arabe, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est ce qu'on appelle al-basmala. On appelle cela al-basmala, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme on appelle le fait de dire alhamdulillah, alhamdallah. Comme on appelle inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-istirja', comme on appelle également le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah al-hawqala, هذا يسمى بالنحت, هذا الاسلوب يسمى بالنحت. Et donc il a commencé dans son livre ou bien son message en citant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc en prenant exemple sur le Coran. Car donc la première chose que vous trouverez dans le Coran avant Sourate al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et également en prenant exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il, lorsqu'il voulait envoyer un message aux différents rois, il commençait son message en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit donc un texte, une lettre à Héraclès, c'est-à-dire Hercule, le chef, le roi des Romains. Et il lui a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, min Muhammadin abdillahi wa rasul, de Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager, ila Héraclès, azimatun, donc vers Hercule, le grand des Romains, c'est-à-dire leur chef. Salam ala man ittaba' al-huda, le salut est à celui qui suit la guidée. Il a dit ensuite amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'at al-islam, je t'appelle à l'islam. Aslim taslam, c'est-à-dire entre dans l'islam, tu obtiendras alors la sécurité. Yu'tika Allah ajraka marratayn, et Allah te donnera ta récompense deux fois. Fa in tawallayta fa in 'alayka ithmu al-arisiyin, et si tu te détournes, tu auras alors le péché des arisiyin, donc des gens qui étaient parmi les gens qui unifiaient Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont refusé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit Ya al kitabi ta'alaw, ô gens du livre, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, venez vers une parole égale entre nous et vous. Alla na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'a, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien lui associer. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, et de ne pas nous prendre mutuellement comme seigneur. Le musulman, ou bien l'homme de manière générale, lui interdit de prendre un autre homme comme seigneur. Fa in tawallaw, s'il se détourne, fashhadu bi anna muslimun, s'il se détourne, attestez alors que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika al-Imam al-Bukhari rahimahullah iftataha kitabahu bi bismillahir rahmanir rahim. Wa min al-ulama man yaftatihu kitabahu bil basmala, wa min al-ulama من يفتتح كتابه بالحمدلة, من يفتتح كتابه بالبسملة على اعتبار أنه رسالة وكتاب, ومن يفتتحه بالحمدلة على أساس أنه كالخطبة, أنه كالخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمدلة. Donc certains auteurs donc commencent leur livre en disant بسم الله الرحمن الرحيم, comme l'a fait l'imam al-Bukhari, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. D'autres commencent leur livre par alhamdulillah, donc comme si c'était un discours. Comme lorsqu'on commence un discours du vendredi ou bien n'importe quel discours, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait un discours, kana yahmadullah wa yusni alayh, il glorifiait Allah et citait ses louanges. أما هناك حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر, وفي رواية فهو أقطع, وفي رواية فهو أجدب. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي إسناده رجل ضعفه أهل الحديث وهو ابن الجندي. Donc en ce qui concerne les hadiths qui incitent à commencer par le fait de dire Bismillah, ils ne sont pas authentiques. Donc un hadith qui dit que toute chose importante qui n'est pas commencée par Bismillah est alors une chose coupée, abtar, ou bien incomplète. Donc ce hadith n'est pas authentique. Donc il y a dans la chaîne de transmission un homme qui s'appelle Ahmed ibn Muhammad ibn Imran, qui est connu par Ibn al-Jundi, qui est une personne faible. Mais en tout cas, malgré que ce hadith soit faible, il faut, lorsqu'on écrit quelque chose, commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc si nous n'avons pas de hadith de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des hadiths qui prouvent son acte sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. عندما تفتتح شيئا بالبسملة فكأنك تطلب أو أنك فإنك تطلب العون من الله تبارك وتعالى تستعين بالله تبارك وتعالى بذكر اسمه فإنك تتبرك بسم الله تبارك وتعالى وتسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يحفظك في عملك. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة كتاب تسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك وأن يسددك في كتابتك. وكذلك إذا أكلت تقول بسم الله تسأل الله تعالى أن يبارك لك في أكلك وفي شربك وفي نومك إلى غير ذلك. فبسم الله هناك جار ومجرور. بسم الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف يناسب المقام. فإذا أردت أن تكتب كأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، أو بسم الله أكل، أو بسم الله أشرب، أو بسم الله أقرأ، اقرأ بسم ربك الذي خلق. Donc la personne lorsqu'elle dit بسم الله الرحمن الرحيم, donc en commençant un acte ou en disant Bismillah, elle demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en citant son nom, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la baraka dans nos actes. Donc la personne qui dit cela au début d'un courrier, au début d'un livre, il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider justement à écrire la vérité dans ce livre, à écrire des choses utiles pour les gens. Lorsque la personne dit cela avant de manger, elle espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc l'aide et mette de la baraka dans sa nourriture, dans sa boisson, dans son sommeil. Et donc à chaque fois que la personne fait ça, elle se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul est la personne qui aide. Donc la personne, le but donc c'est d'obtenir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en citant cela. إذن تقول بسم الله الرحمن الرحيم اسم جاء مفردا وجمعه أسماء ولكن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم جميع الشيء المضاف فأنك كأنك قلت بأسماء الله الرحمن الرحيم فكأنك تطلب الله تبارك وتعالى بجميع أسمائه الحسنى كما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Donc ici vous remarquerez que la personne a dit بسم الله الرحمن الرحيم, donc par le nom d'Allah ou bien par les noms d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Lorsque la personne a dit Bismillah, c'est comme si elle demandait à Allah subhanahu wa ta'ala par tous ses noms, par tous ses noms. Donc lorsque l'on a un mot qui est au singulier et qui est donc attribué à un deuxième mot, ça englobe tout toutes les choses qui s'appliquent à ce premier mot. Donc c'est comme si on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala par tous ses noms, par tous ses beaux noms. Allah ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala wa huwa al-ism al-a'zam 'inda jumhuri العلماء فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يرجع إليه فعندما تقول الرحمن تقول اسم من أسماء الله عندما تقول السامع اسم من أسماء الله الرؤوف اسم من أسماء الله فالأسماء كلها ترجع إلى الله تبارك وتعالى فهو أعظم الأسماء ولا يطلق ذلك إلا على الله تبارك وتعالى لا يطلق هذا الاسم إلا على الله تبارك وتعالى والله بمعنى المعبود بمعنى المعبود الرحمن هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ولا يطلق إلا على الله كذلك فمن أسماء الله تبارك وتعالى منها ما يطلق على الله وعلى غير الله تبارك وتعالى وإن كان في حق الله تبارك وتعالى أن يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء هو السميع البصير ومن أسماء الله تبارك وتعالى من لا يطلق إلا على الله مثلا الله الرحمن الخالق هذا لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى وكمثلا الرؤوف الرحيم الله عز وجل أطلقه على النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال في حق الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا فهذه الأسماء تطلق على الله تبارك وتعالى وعلى مخلوقاته أما الرحمن فلا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى ولهذا عندما ظهر مسيلمة في يعني قبيلة بني حنيفة وادعى النبوة وطلب من الناس أن يلقبوا بالرحمن اليمامة الرحمن اليمامة اليمامة منطقة النجد فقتله أبو بكر رضي الله عنه وقتله قتله وحشي قتله وحشي بن حرب الذي كان قتل حمزة ابن أبي طالب في غزوة أحد يعني مات مسيلمة وبقي له لقب آخر غير رحمن اليمامة يعني لقب بمسيلمة الكذاب والذي يعني بقي إلى يومنا هذا وهو معروف به والرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواسعة فرحمة الله تبارك وتعالى تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر الإنس والجن والحيوان أما الرحيم فهو كذلك اسم من أسماء الله وهو بمعنى الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل أني رحمانا كان بالمؤمنين رحيما Donc il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc Allah c'est un nom parmi les noms d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala possède plusieurs noms. Parmi ces noms-là, Allah. Et Allah, donc la majorité des savants disent que c'est le plus grand nom que possède notre Seigneur. Du fait que tous les noms reviennent à ce nom-là. Parce que l'on dit As-Samir, lorsque l'on dit Al-Qadir, lorsque l'on dit Al-Wali également, et tous les autres mots, on dit que ce sont des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le mot Allah revient à lui tous les autres noms. Donc c'est pour ça que beaucoup de savants disent que c'est le plus grand nom d'Allah. Allah ça veut dire Al-Ma'lou, c'est-à-dire Al-Ma'boud, celui qui est adoré, celui qui est adoré. Ar-Rahman, donc c'est un nom parmi les noms d'Allah qui ne peut être attribué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous trouvez des noms attribué donc à ses créatures également. Malgré que lorsque c'est attribué à Allah, ça a son sens, et lorsque c'est attribué à ses créatures, ou bien lorsque c'est attribué à Allah, c'est propre à Allah, et lorsque c'est attribué à ses créatures, c'est propre à eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Et il y a certains noms qui ne peuvent être attribués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces noms-là, Ar-Rahman. Donc dans le Coran, vous verrez par exemple que Allah, lorsqu'il a parlé de son prophète à la fin de surat At-Tawbah, il a dit bil mu'minina ra'ufun rahim. Le prophète, il est pour les croyants, il a de la pitié pour eux, il est clément envers eux. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est lui qui est Ra'ufun et Rahim. Donc lorsque c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est propre au prophète, et lorsque c'est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est propre à lui. Également Allah azza wa jalla, lorsqu'il a parlé de l'homme dans surat Al-Insan, il a dit Inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Il a dit nous l'avons rendu entendant et voyant. Et Allah dans d'autres versets, il nous dit wa kana inna Allaha kana samian basira. Allah est voyant et entendant. Mais il y a certains noms qu'on ne peut attribuer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces noms-là Ar-Rahman. Donc on ne peut attribuer cela à quelqu'un. Ar-Rahim, on peut, comme Allah Azza wa Jal l'a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui concerne Ar-Rahman, non. Musaylama est une personne qui est apparue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a prétendu être prophète. Donc il n'y a pas de prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu l'a combattu, donc envoyé une armée vers lui à Al-Yamama pour le combattre, et il a été tué par Wahshi, celui qui avait tué Hamza lors de la bataille de Uhud. Pour ça il dit Anini qataltu wali Allah wa qataltu adu Allah. J'ai tué un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'ai tué également un ennemi d'Allah. Alors, en parlant de Musaylama, et Musaylama il demandait d'être appelé Rahman al-Yamama, Ar-Rahman de l'endroit où il vivait, qui est Al-Yamama. Et lorsque donc il fut tué, le seul surnom qui resta, c'est Musaylama al-Kadhdhab, c'est la Musaylama le menteur. Ar-Rahim, non, Ar-Rahman, donc le sens de Ar-Rahman, c'est celui qui possède la grande miséricorde, donc qui atteint toutes les choses, qui atteint les hommes, les animaux, qui atteint les hommes, les femmes, qui atteint les riches et les pauvres, qui atteint les croyants, les non-croyants. Qu'Allah Azza wa Jal, malgré que beaucoup de gens lui désobéissent, il est miséricordieux entre eux, envers eux, du fait qu'il leur donne leur nourriture, il leur donne leur subsistance, et il les fait vivre et leur permet de survivre ici-bas. Ar-Rahim, c'est également donc celui qui possède la miséricorde, Ar-Rahma, mais qu'il la donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc, lorsque Allah il donne de sa miséricorde à ses croyants spécialement, c'est Ar-Rahim. Alors Allah il dit dans le Coran wa kana bil mu'minina rahima. Allah il est pour les croyants Rahim. Il n'a pas dit qu'il était Rahman du fait que c'est pour une partie de ses serviteurs. ثم قال المؤلف رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء الذي افتتح به الإمام محمد بن عبد الوهاب كتابه هذا شبيه بما افتتح به الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب. هناك كتاب للإمام ابن القيم اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب. فقال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه fi dunyahu wa ukhra. فكأن الإمام ابن القيم رحمه الإمام محمد بن عواد اقتبس هذا الدعاء من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. إذن يقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. من عادة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه دائما يفتتح رسائله وكتبه بالدعاء للقارئ، يعني دائما يفتتح رسائله بالدعاء للقارئ، وهذا يدل على حرصه وعنايته بالقارئ والتمني له الخير. وكذا ينبغي أن يكون الكاتب والمدرس والمرشد دائما عليه أن يكون حريصا على إرادة الخير بالقارئ والذي يلقى إليه الكلام، إما أن يدعو لهم يعني أمامهم، وإما أن يدعو لهم يعني عن ظهر الغيب، ولكن يدعو للقارئ وللمستمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان إذا أراد أن يرشد صحابيا من أصحابه إلى أمر يعني يلتزم به كان يفتتح كلامه صلى الله عليه وسلم بالكلام الجميل، مما يجعل كلامه الثاني يعني أكثر قبولا من لو حذف هذا الكلام الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي يهمنا هنا هو قبل أن يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء قال: يا معاذ إني أحبك، حتى يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Donc l'auteur, après donc avoir dit بسم الله الرحمن الرحيم, il a dit: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Je demande à Allah, le généreux, le seigneur du trône, du grand trône, أن يتولاك في الدنيا والآخرة, qu'il t'assiste ici-bas et dans l'au-delà. C'est ça qu'ils ont traduit ? En gros, qu'il soit ton allié. Voilà, qu'Allah soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. L'auteur du livre, Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans ses livres et dans ses petits messages, toujours il commence en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui va lire. Il demande, en fait là c'est des invocations pour nous, parce que nous on est en train de lire son livre. Donc toujours il demande à Allah subhanahu wa ta'ala soit de nous faire comprendre, soit de nous secourir, soit d'être notre allié ici-bas et dans l'au-delà. Donc ce qui prouve l'importance qu'il donnait à cela et le fait qu'il veut du bien pour la personne qui lit. Qu'il veut du bien pour la personne qui lit et qui va tirer profit de ce livre. Et donc la personne, lorsqu'elle a un conseil à donner, il faut toujours qu'elle commence son discours en disant une belle parole, soit une invocation, soit en disant Inni uhibbuka fillah, ou bien toute autre chose qui fait comme une introduction à ce que tu as à dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu enseigner une invocation à Mu'adh ibn Jabal, il lui a dit: Ya Mu'adh, inni la uhibbuk. Il lui a dit: Oh Mu'adh, je t'aime. Ya Mu'adh, inni la uhibbuk. Il lui a dit ensuite: Ne délaisse jamais, après chaque prière, le fait de dire Allahumma inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. C'est-à-dire: Oh Allah, aide-moi donc à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au départ, lorsqu'il avait dit Ya Mu'adh, inni uhibbuk, afin que Mu'adh, justement, tende l'oreille à ce qui va être dit ensuite. Donc la personne, lorsqu'elle veut enseigner quelque chose, lorsqu'elle veut conseiller quelqu'un, il faut qu'elle essaye de mettre une belle parole avant de conseiller. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم فإنه توسل إلى الله تبارك وتعالى في دعائه بأسمائه فإنه ذكر من أسماء الله تبارك وتعالى الكريم وكذلك الرب الذي هو اللذين هما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى وهذا من التوسل المشروع التوسل عن تقرب إلى الله تبارك وتعالى فإذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى وأن تتوسل بشيء في دعائك فلك ثلاث وسائل الوسيلة الأولى أن تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته كما هنا يقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الإنسان بين يدي دعائه فإنه يعني يذكر أسماء الله تبارك وتعالى ويحاول أن يختار من أسماء الله تبارك وتعالى ما يناسب المقام فإذا طلبت من الله تبارك وتعالى أن يغفر لك فإنك تسأله بأنه الغفور وأنه الرحيم وإذا أردت أن يشفيك يعني تسأل الله تبارك وتعالى بأنه الشافي فدائما تسأل الله تبارك وتعالى باسم يناسب المقام تدعو الله تبارك وتعالى باسم يناسب المقام الوسيلة الثانية في الدعاء أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعملك الصالح تدعو الله وتطلب منه شيئا بأنك عملت عملا صالحا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يعني هم طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يقي أو أن يغفر لهم ذنوبهم أن يقيهم من النار بأنهم آمنوا وكل واحد منكم يعرف يعني حديث الثلاثة الذين دخلوا غارا فانسد عليهم فم الغار فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم الصالحة والحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور والحالة الثالثة تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء رجل صالح تدعو تطلب منه أن يدعو الله أن يدعو الله تبارك وتعالى لك مفهوم تذهب عند شخص تقول له أدعو الله لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أويس القرني قال إن رجلا من أهل اليمن كان برا بأمه وكان له يعني برص فشفي منه إلى أثر قدر درهم فإذا لقيتموه فاطلبوا منه أن يستغفر لكم فكان عمر رضي الله عنه قد التقى بهذا الرجل أويس القرني فطلب منه أن يستغفر له هذه حالة ثلاثة إما أن تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وإما أن تدعو الله تبارك وتعالى بعملك الصالح وإما أن تطلب من رجل صالح أن يدعو الله تبارك وتعالى لك أما غير ذلك فغير جائز أما غير ذلك فغير جائز donc l'auteur du livre il a dit أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة Donc il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala en citant certains de ses noms, en citant Al-Karim, en citant Al-Rabb, en citant certains de ses attributs, Rabb al-Arsh al-Azim, le fait que c'est le Seigneur du grand trône. Donc lorsque l'on fait une invocation, qu'on se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on espère qu'il nous donne quelque chose, on a trois manières d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Soit on l'invoque en citant ses noms, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah possède les plus beaux noms, invoquez-le par ses plus beaux noms. Donc lorsque la personne elle invoque Allah, parmi les choses qui embellissent les invocations et qui amènent l'invocation plus apte à être acceptée et exaucée, le fait de citer des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il faut que ces noms soient en accord avec ce que l'on veut demander. Parce que l'on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rentrer, ou bien nous pardonne, on demande à Allah par ses noms, Al-Ghafur al-Rahim. Lorsque l'on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soigne, on demande par Allah par son nom, Al-Shafi. Lorsque l'on veut qu'Allah il nous donne par son nom, Al-Karim. Donc la personne a choisi parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui sont en rapport avec ce que la personne veut demander. La deuxième chose, le deuxième moyen d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en lui demandant par des actes pieux que l'on a fait. Allah dit dans le Coran, en parlant de ses serviteurs pieux, الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ceux qui disent, ô Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous nos péchés et éloigne-nous du châtiment du feu. Donc ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala cela en commençant par dire Rabbana innana amanna, nous avons cru. Donc ces gens demandent par leur croyance, par leur foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés et les fasse rentrer au paradis et les éloigne du châtiment de l'enfer. Et tout le monde connaît le hadith des trois personnes qui se sont retrouvées enfermées dans la grotte, dans une grotte. Ils sont rentrés dans une grotte, puis un rocher est tombé et a fermé l'entrée de la grotte. Et chaque personne a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en citant des bonnes œuvres qu'il avait accomplies dans le passé. Un a cité qu'il avait délaissé Zina pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre il a cité qu'il il était bon avec ses parents pour Allah. Et le troisième il avait cité que donc il avait eu un ouvrier qu'il n'avait pas payé et il avait gardé son argent qu'il avait fait fructifier et qu'il a rendu à cette personne plusieurs années après. Il a dit que chaque personne a dit qu'il avait fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, et à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala faisait bouger le rocher jusqu'à ce qu'il puisse sortir de l'épreuve dans laquelle ils étaient. Bref, chacun a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par une œuvre qu'il avait accompli. Le troisième moyen d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de demander à une personne pieuse d'invoquer Allah pour soi. Un homme demande à un autre d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Zayd demande à Khalid d'invoquer Allah pour lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de Uwais al-Qurani, il a dit Inna afdal al-tabi'in, le meilleur des tabi'in, un homme qui s'appelle Uwais al-Qurani, qui était bon avec sa mère et qui avait été atteint par le baras. Hein? La lèpre. Il avait été atteint par la lèpre et il avait été guéri, sauf un petit endroit de la grandeur d'un dirham. Le prophète dit ensuite, si vous le rencontrez, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner. Et c'est ce qu'a fait Omar radiallahu anhu à son époque lorsqu'il a rencontré cet homme. Il lui a dit qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à Omar. إذن يقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الكريم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى ومن يشكر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى كذلك فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ولكن في قراءة الكريم فيرجع إلى الله تبارك وتعالى فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ومعنى الكريم الذي يعطي من غير سبب ولا لعوض الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم هذا معنى الكريم وقيل العزيز وقيل الصفوح الذي هو يصفح Donc Al-Karim, le bon, le généreux, c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, « Ma gharraka bi rabbika al-Karim » Qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le bon, et également dans d'autres versets du Coran. Donc lorsque l'on veut donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut forcément une preuve du Coran ou de la Sunna. On ne peut pas donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala comme on le veut. Ça, parfois, ils font les erreurs lorsqu'ils nomment leurs enfants Abd, quelque chose. Ils ne cherchent même pas à savoir est-ce que c'est vraiment un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. C'est très bien de donner un nom comme cela à son enfant, mais il faut être sûr que tel nom fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Karim, le bon, le généreux, donc celui qui donne à celui qui donne sans cause et sans échange et dont les dons englobent ceux qui en ont besoin et les autres. يقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم فإنه سأل الله تبارك وتعالى بما مدح به نفسه في كتابه قال الله تبارك وتعالى وهو رب العرش العظيم في آخر سورة التوبة. العرش أعظم المخلوقات العرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى والعرش في لغة العرب هو سرير الملك سرير الملك يسمى بالعرش إلى يومنا هذا ما يقول أن ملكا تربع على عرشه وقال الله تبارك وتعالى في كتابه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال في شأن ملكة سبأ ولها عرش عظيم فالعرش هو سرير الملك أما عرش الرحمن هو الذي استوى عليه كما يليق بجلاله وعظمته فهو عرش عظيم وله قوائم وتحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف هذه المخلوقات وصف الله تبارك وتعالى عرشه في كتابه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني ثمانية من الملائكة وكذلك عرش الله تبارك وتعالى كان يعني على الماء قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وللعرش قوائم قوائم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من ينشق عن الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أو حوسب بصعقة الأولى متفق عليه فالعرش للعرش قوائم والعرش فوق الجنة فوق الفردوس قال صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة يعني أفضل الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة رواه البخاري وكذلك العرش كان موجودا قبل تقدير الخلائق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلق إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء رواه مسلم. Donc, après avoir cité le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Karim, il a cité qu'il était le Seigneur du grand trône, Rabbul Arshi Al-Azim, Rabbwa Al-Sahib wa Al-Malik. Le trône qu'on appelle Al-Arsh, donc c'est la plus grande des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande des créatures d'Allah, c'est Al-Arsh. Et dans la langue arabe, le mot arsh, ça veut dire sarir al-mulk, c'est-à-dire l'endroit sur lequel s'assied le roi, ce qu'on appelle un trône. Allah a dit lorsqu'il a parlé de Yusuf alayhi salam dans le Coran, à la fin de la sourate, wa rafa'a abawayhi al-arsh, c'est-à-dire il a élevé ses deux parents sur le trône. Et en parlant de Bilqis, la reine de Saba, il a dit Walaha Arshun Azim, elle possède un énorme trône. En ce qui concerne le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur lequel il s'est établi Istawa, donc c'est la plus grande des créatures qui possède des pieds, Qawaim, et également ce trône sera porté, ou bien est porté, par les anges, et c'est la plus haute des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il l'a cité en disant qu'elle était énorme, qu'elle était magnifique. Allah il dit Rabbul Arshi al-Azim, Rabbul Arshi al-Karim, Rabbul Arshi al-Majid. Également, donc également, ce qui prouve que les anges et Yawm al-Qiyam apporteront le trône, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ, c'est-à-dire que porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux ce jour-là 8 anges. Et ce qui prouve également que le trône possède des pieds, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لَا تُخَيَّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ, ne faites pas de différence entre eux. Les prophètes, donc le musulman, il faut qu'il croie en tous les prophètes. Les gens seront les gens seront foudroyés yawm al-qiyam. Et le prophète il nous dit je serai la première personne qui va se réveiller, donc la première personne ressuscitée ce sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'idha ana bi Musa, et il verra Moussa alayhi salam tenant un pied parmi les pieds du trône. Le prophète dit ensuite Fala adri akana fi man sa'ir, je ne sais pas s'il a été foudroyé également, ou bien si Allah subhanahu wa ta'ala lui a épargné cela du fait qu'il a déjà été foudroyé ici-bas. Fakharra Moussa sa'iqa. Donc dans surat al-A'raf, Moussa a déjà été foudroyé ici-bas. Donc ce qui nous intéresse dans ce hadith, فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. موسى donc tenant un pied parmi les pieds du trône. Également, l'arche est la plus haute des créatures, au-dessus même du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سألتم الله فسألوا الفردوس, lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui الفردوس فإنه أوسط الجنة, donc c'est le meilleur endroit du paradis, وأعلى الجنة, et le plus haut endroit du paradis. أراه فوقه au-dessus de lui il y a le trône du miséricordieux, et de lui jaillissent les sources du paradis, rapportées par Al-Bukhari. Également, le trône est la première des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah azza wa jal a écrit les quantités, ou bien le destin de toutes ces créatures avant de créer les cieux et la terre d'une durée de 50 000 ans. À ce moment-là, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala était déjà sur l'eau. ثم قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة, أن يتولاك في الدنيا والآخرة, أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. معنى أن يكون الله تبارك وتعالى وليا لك في الدنيا. فمن تولاه الله تبارك وتعالى في الدنيا سدده وحفظه وحماه. وفي الآخرة من تولاه الله تبارك وتعالى في الآخرة حفظه بدخول الجنة والنجاة من النار ومن الكرب ومن أهوال يوم القيامة. ومن تولاه الله تبارك وتعالى فهو ولي لله. من تولاه الله تبارك وتعالى فهو ولي لله. والولي ليس كما يفهمه الكثير من الناس، يعني من مات وبني على قبره يعني ضريح، لا، هذا الولي عرفه الله تبارك وتعالى في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي فهو ولي لله تبارك وتعالى، هذا هو تعريفه. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والولاية في الدنيا والآخرة ولايتان. عندنا ولاية عامة تشمل الناس كلهم، المؤمن والكافر. ومعنى هذه الولاية بتقدير الله تبارك وتعالى وتدبيره وقيامه بشؤونهم. فإن الله تبارك وتعالى يرزق الناس كلهم، يرزق المؤمن والكافر ويطعم المؤمن والكافر، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهم يرجعون إلى مولاهم فهو يتولاهم. وهناك ولاية خاصة، وهذه خاصة للمؤمن، ولاية خاصة خاصة للمؤمن وتقتضي التأييد والنصر والحفظ والتوفيق والإعانة والسداد في هذه الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن فضائل هذه الولاية أن الله سبحانه وتعالى يخرج أولياءه من الظلمات إلى النور، وكذلك يدافع عنهم. الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن يعادي ويحارب ويؤذي أولياء الله تبارك وتعالى فكأن أن الله تبارك وتعالى أعلن له الحرب، وبالتالي يدافع عن هذا المظلوم وهذا الذي أوذي بغير حق. وكذلك الولي لله تبارك وتعالى لا خوف عليه ولا هو يحزن. قال تعالى: ألا أين أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc ensuite il a dit: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. C'est-à-dire qu'Allah devienne ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala devienne ton allié ici-bas, c'est-à-dire qu'il va t'aider, il va te protéger, il va t'orienter dans tout ce dans quoi il y a un bien. Et dans l'au-delà, Allah va te protéger en te faisant entrer au paradis et en t'éloignant de l'enfer et de la difficulté et de la frayeur du jour dernier. Allah dit dans le Coran: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est-à-dire que les alliés d'Allah, ou bien ses serviteurs rapprochés, n'auront rien, n'auront pas à avoir peur, en effet, le mustaqbal, et n'auront pas à être tristes de leur passé. Donc ils n'auront pas à avoir peur pour ceux qui les attendent dans le futur, ni à être tristes de ce qu'ils ont pu faire dans le passé. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont cru et ont été pieux. Donc celui qui réunit ces deux caractéristiques, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et être pieux et vertueux, c'est ce que l'on appelle en arabe al-wali, c'est-à-dire le serviteur rapproché ou bien l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-wali, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est al-wali, c'est celui qui est mort sur qui on a, sur la tombe de qui on a construit un mausolée ou toutes ces choses-là. Là, ça c'est au contraire, cela est interdit. Le prophète sallam dit la'anallahu al-yahuda wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. En fait, il dit quand la malédiction soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées ou bien comme lieu d'adoration. Et dans notre version, ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes ou bien de leurs gens vertueux comme lieu d'adoration. Et le prophète a interdit que l'on construise sur les tombes. Donc l'wali, le serviteur rapproché, l'allié d'Allah, c'est celui qui croit et est pieux. Et cette alliance, l'wilaya, envers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux sortes. Donc une générale qui concerne tous les gens, les croyants et les non-croyants. Donc c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de tous ces gens-là. Le fait qu'il leur donne leur subsistance, le fait qu'il les nourrisse, le fait qu'il les vêtisse, le fait qu'il leur permette de vivre. Allah azza wa jal aide le croyant comme il aide le non-croyant. C'est pour ça qu'Allah dit, en parlant des gens qui meurent, ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ, c'est-à-dire ensuite ils seront ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur, leur allié. Et il y a ensuite donc une alliance qui est propre ou bien spécialement pour les croyants, donc qui implique le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala épaule, assiste et secourt et aide donc ses serviteurs croyants. Allah il dit Allahu waliyyul ladhina amanu, Allah est l'allié des gens qui croient. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Thumma qala wa an yaj'alaka mubarakan ayna ma kunt. Hadha huwa al-juz' al-thani min ad-du'a. An yaj'alaka mubarakan ayna ma kunt. يعني معنى البركة هو كثرة الخير, البركة بمعنى كثرة الخير, وبالتالي المبارك هو من جعل الله فيه أسباب البركة. ولا يوجد إنسان مبارك في ذاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون ب أبعاده وبشعره صلى الله عليه وسلم وبريقه وبعرقه وبملابسه صلى الله عليه وسلم, فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, ولا يقاس عليه غيره, ولا يقاس عليه غيره. ولكن كل من كان فيه يعني كثرة الخير فإنه مبارك, ولكن لا يجوز أن يتبرك به, فهو مبارك عندما قام بأسباب البركة. فمثلا العالم إذا انتفع الناس بكتبه يقال أنه أن كتبه مباركة, أن فيها الخير الكثير, شخص دروسه نافعة جدا فيقال دروسه مباركة, مفهوم؟ ففيها الخير الكثير. كما قال أسيد بن الحضير أبي بكر رضي الله عنه, كلكم يعرف يعني قصة يعني مشروعيات التيمم عندما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها يعني ثم التمس الناس عقد عائشة وليس معهم ماء وليس على ماء فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من وسيد بن الحضير قال للنبي صلى الله قال لأبي بكر ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر معناه بسببكم أن يأتي الخير الكثير وكما قال عيسى بن مريم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فالبركة أن تحصل في أمور كثيرة تحصل في العمر وفي العمل وفي الوقت وفي العلم فعلى المسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في هذه الأمور كلها في العمر بركة في العمر كأن تفعل أني أشياء كثيرة في حياتك على سبيل المثال طيب لو أخذنا الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي مما ذكرناه يعني في من أول درس يمكن في الأربعين النووية توفي وله أقل من 45 سنة 45 سنة الإمام النووي مات ها ولكن شوفوا شحال خلى من الكتب خلى رياض الصالحين خلى كتاب بني ضخم المجموع ترك كذلك يعني كتاب الأذكار وكتاب دليل الطالب يعني كتب يعني كبيرة للإمام النووي رحمه الله وفي حياته 45 سنة الآن شخص يعيش 45 سنة ولا يفعل شيئا وكان له مع ذلك 12 درس في اليوم ها كان تيقري 12 مرة في النهار شي الدرس اللي كندير اليوم هو عنده 12 بحالو في النهار فيدرس ويؤلف وتوفي وله 45 سنة رحمه الله فالبركة تكون يعني في العمر وفي العمل وفي الوقت والإنسان إذا بورك له في وقته يعني اشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى ومن بورك له في علمه نفع الله تبارك وتعالى به ونفع به الناس Donc également, ensuite il a dit « وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ » Ils ont traduit comment ? Et qu'il te rende et qu'il te bénisse où que tu sois. « أَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ » Donc ça c'est la deuxième invocation qu'a fait l'auteur pour la personne qui lit ce livre. Al-baraka, ce que l'on appelle al-baraka, ça veut dire kathratul khair. La bénédiction, ça veut dire beaucoup de bien. Lorsqu'on dit al-baraka, ça veut dire beaucoup de bien. Donc l'auteur demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende cet homme béni. C'est-à-dire qu'il bénisse sa vie, son temps, ses œuvres, son argent, donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut rendre bénéfique. Et donc la personne, lorsque il y a dans une partie de sa vie un grand bien, on dit que cela est mubarak. Si la personne, en peu de temps, elle arrive à faire des grandes choses, on lui dit burika lahu fi waqti, son temps a été béni. Si la personne en une petite vie, elle peut faire plein de choses, on dit « Burika lahu fi umuri ». Donc sa vie est bénie. Si une personne arrive à apprendre la science et à la transmettre et que les gens tirent profit de cette science, on dit « Burika lahu fi ilmihi ». Dans sa science, donc, a été bénie. En ce qui concerne, il n'y a pas de personne bénie à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les compagnons, radiyallahu anhum, ils cherchaient la bénédiction par le corps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait ses ablutions, il prenait l'eau avec laquelle il avait ses ablutions et il le passait sur leur visage. Également, certains compagnons ont gardé précieusement des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains avec sa salive, d'autres avec sa sueur, etc., etc. Donc ça, c'est seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas faire une analogie avec quelqu'un d'autre. Ce qui prouve cela, c'est que les compagnons radiallahu anhum n'ont jamais fait cela avec Abu Bakr, avec Omar, avec Othman ou bien Ali. Donc ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la personne peut devenir bénie, donc en faisant les causes de la bénédiction, qui font qu'il y aura bénédiction dans sa vie, dans son temps, dans sa science, dans sa famille, dans son argent. Par exemple, on a cité à titre d'exemple l'imam Nawawi, rahimahullah. Et l'imam Nawawi, donc, que tout le monde connaît, qui a le kitab al-Riyad al-Salihin, kitab al-Azkar, kitab al-Majmou', beaucoup, il a laissé énormément de livres. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, il est mort, il n'avait même pas encore 45 ans. Malgré cela, il a écrit tous ces livres-là. Il avait également 12 cours par jour. Vous voyez les cours que comme on fait là, il en avait 12 par jour. Donc un après... Donc toute la journée était remplie de cours en réalité. Ce qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis de la baraka dans la vie de cet homme. Et dans ses livres. Il n'y a pas une mosquée ou bien une maison sans qu'il y ait dans cette maison le livre Riyad Salihin. Ce qui prouve que c'est un livre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a mis une bénédiction. Également, certaines personnes, donc Allah subhanahu wa ta'ala bénit leur temps. Min barakat al-waqt. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عند فتح مكة وهو معركة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام يصلي صلاة الضحى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بورك له في وقته. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع المعركة يجد وقتا لأداء صلاة الضحى. ثمان ركعات في بيت أم هاني. Également le prophète صلى الله عليه وسلم donc lors de la conquête de la Mecque il a prié صلاة الضحى. Donc alors qu'il y a un combat entre les musulmans, entre les associateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la baraka dans son temps, il trouve le temps de prier salat al-duha, 8 raka'at dans la maison de Omihani. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka dans la vie des gens, dans leur temps, dans leurs œuvres, dans leur argent, etc., etc. Donc il faut que le musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre de la baraka dans toutes ces choses-là. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى وأسأل الله تعالى أن يجعلنا أن يتولانا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للكتاب هو موجود في هذه الورقة تأخذ ورقة موجود في موقع المسجد باللغة العربية وباللغة الفرنسية. Donc le texte que nous expliquons, il est présent sur le site de la mosquée. Il y a en arabe et en français, donc pour les frères, Zakmullah khair.